J'espère que tu vas en profiter. Parce que c'est ta doulette? Oui. Si jamais je pars pendant le milieu de la conférence. C'était pas prévu. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, la puissance de la volonté créatrice. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de vacances à créer du temps. Avec la volonté créatrice, c'est... Ben, j'aimerais ça jouer avec les mots un petit peu. La volonté, c'est le vouloir. Ça fait clair? Non, il fait chaud. Est-ce qu'on veut créer ou est-ce que... Parce que dans la volonté créatrice, pour moi, c'est comme... C'est quelque chose dans lequel on a du libre arbitre, quelque chose qu'on décide, s'il y a de la volonté. On n'a pas de libre arbitre. Bon, ben, qu'est-ce que ça donne d'avoir de la volonté? OK. Ça fait... Non, mais... On veut créer ou on peut créer? Quand on peut vouloir. Parce que quand on veut pouvoir... Mais quand on peut pas, ça vaut pas la peine de vouloir. C'est qu'on a de la volonté dans la mesure où on a de la capacité de le faire. C'est ça. On a de la volonté ou on a un désir. La différence entre une volonté et un désir? Le désir, c'est la volonté de l'ego. Et la vraie volonté, la volonté avec un grand V, c'est une expression de l'intelligence. Donc, de l'esprit de l'humain. Alors, la majorité des individus ont des désirs, ils vont appeler ça de la volonté, alors ils vont dire à quelqu'un, il y a plus de volonté, ils vont essayer de positiviser leurs désirs, ils vont faire des projections, ils vont essayer de nourrir leurs désirs, ils vont les alimenter spirituellement ou émotivement. Puis ça ne fonctionne pas nécessairement, ça fonctionne même à peu près jamais, sauf évidemment si le désir que tu avais, c'était un désir qui de toute façon se serait réalisé, désir ou pas. Alors, l'humain qui a des désirs a une forme de volonté, mais c'est pas de la volonté, c'est pas créateur. C'est une volonté qui est pas créatrice, donc c'est de la volonté si tu veux, mais c'est pas une volonté créatrice. Dans le sens volontaire, comme on veut l'employer, dans le sens que tu décides, le désir humain n'est pas une volonté. Comment on sent une volonté? Comment ça se traduit dans le corps physique? Un désir, c'est une forme de rêve, on en parle, on y pense, on le véhicule dans notre tête, mais une volonté, est-ce que ça se... Je parle d'un désir, là. Oui, on ne le véhicule pas dans notre tête, mais... Ça se véhicule dans notre tête, en tout cas, tout seul. Ça, oui, ça sert de notre tête pour se promener. C'est ça. Est-ce qu'une volonté, ça se sent, ça se goûte, non. Ça se mesure? C'est exactement ça qui est la différence. Le désir, la volonté astrale, le désir, c'est quelque chose qui apparaît chez toi sans que tu l'aies commandé. Sans que tu envoies l'intelligence, sans que tu envoies l'utilité, sans que tu aies eu à rien faire pour aller chercher. Le désir apparaît à un moment donné comme ça, c'est un désir, c'est émotif, et c'est ce qui manipule l'humanité, c'est ce qui va faire en sorte que l'humain va vouloir bouger pour aller chercher ou atteindre quelque chose. La volonté créatrice, c'est quelque chose qui ne se sent pas, c'est pas une chose qui à un moment donné apparaît chez toi, c'est simplement l'expression d'une colère interne, et cette colère interne-là, c'est une volonté créatrice. La volonté créatrice, elle est perceptible par l'ego, parce que l'ego sent une colère à l'intérieur de lui. Et quand je parle de colère, ce n'est pas une colère astrale. L'ego sent à un moment donné qu'il y a au niveau des énergies, ça peut être au niveau du plexus, ça peut être au niveau de la tête, ça peut être au niveau de certaines parties du corps. C'est dans le plan vital que ça se passe, mais il y a des répercussions au niveau du corps physique. Alors la personne, elle voit de l'intelligence dans certaines choses, elle voit une logistique, elle voit un cheminement. Et elle peut être confrontée à ne pas être capable de rien faire, elle peut être confrontée à ne pas changer, ou encore elle peut être confrontée à découvrir qu'elle a un ego qui l'empêche continuellement d'avancer. Et à un moment donné, quand elle regarde la structure au complet, quand elle comprend la mécanique de son astral, de son ego, parce que la volonté créatrice, elle apparaît seulement quand tu as suffisamment de savoir de ce que tu es toi, lorsque tu es suffisamment transparent avec toi-même, donc lorsque tu cesses de te mentir pour te mettre beau. Et à un moment donné, lorsque tu vois toute cette mécanique-là au complet, eh bien, il y a une forme d'intolérance qui commence à naître, une forme, c'est pas tout à fait de l'impatience, c'est de l'intolérance, c'est pas la même chose. Alors, il y a une petite colère qui commence à apparaître à l'intérieur de l'individu, puis à un moment donné, la personne, elle finit par se dire, ben là, j'en ai ras-le-bol, là, je t'ai écœuré, là, j'arrête, je fais plus ci, je fais plus cela, ou je fais ceci. Et puis, la personne, elle a juste l'énergie qu'il faut pour commencer à bouger. C'est de la volonté créatrice. Alors, la nuance, c'est que parce que tu vois l'intelligence d'une mécanique, tu finis par en connaître, tu finis par vivre une forme de souffrance qui est la confrontation entre le désir humain, entre l'ignorance, entre l'astralité, entre la tradition, entre la mémoire, ces choses-là, les habitudes et les rituels. Et le neuf, la nouveauté, l'instantanéité dans l'amour comme dans l'intelligence. Et la friction entre les deux, c'est ce qui va être perçu par l'ego, ce qu'on peut percevoir dans le corps physique, qui est une expression qui est probablement la seule expression humaine de la volonté créatrice. Est-ce que ça se vit au niveau égoïque, un peu semblable à une espèce de défoulement, sauf que se défouler, au lieu de se défouler, par exemple, dans un sport ou un passe-temps, on se défoulerait dans quelque chose de créatif, dans quelque chose, dans une activité créatrice? C'est-à-dire que c'est un défoulement. Oui, c'est un défoulement. Pourquoi? Parce que la petite souffrance, la petite colère qui commence à apparaître, lorsque tu commences à intelligencer les choses, donc à exprimer la volonté créatrice, la colère disparaît. De ce fait, l'ego a l'impression de se défouler. Mais en réalité, ce n'est pas un défoulement. La personne doit accomplir ce qu'elle a à accomplir. La problématique, souvent, c'est que les individus qui commencent à développer une volonté créatrice, et c'est d'ailleurs la force motrice de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, la personne qui commence à développer la volonté créatrice va la développer très, très, très lentement, très progressivement. Elle peut aller plus rapidement. Non, normalement, c'est extrêmement lent. Alors, à un moment donné, on aura le bol, on veut tout chambarder, on voit ce qu'il faut faire, on voit ce qu'il ne faut plus faire. Et puis, je le dis souvent aux personnes, on le répète assez aux séminaristes aussi, c'est écœurez-vous tant que vous voulez, mais déprimez-vous pas. Et c'est extrêmement important. Quand on s'écœure, on s'approche de la volonté créatrice. Quand on se déprime, ben là, évidemment, on perd l'énergie qui nous a permis de monter. Puis là, ben là, on descend plus bas simplement. Après ça, il faut qu'on recommence. Alors, lorsque la personne est rendue à un niveau d'écœurement assez subtil, assez particulier, elle a normalement la capacité d'exprimer de la volonté créatrice. Si elle a suffisamment de contrôle de son mental, si elle a suffisamment de contrôle de son ego, donc d'intelligence chez elle, pour ne pas se déprimer, c'est-à-dire pour décider que là, je n'aurai le bol, puis on va changer les choses. Quand la personne dit « on va changer des choses », c'est dans la parole ou dans la parole mentale, c'est pas une pensée, c'est une parole dans la tête ou une parole orale, la personne exprime de la volonté créatrice, la personne commence à exprimer le verbe, la personne commence à être un phénomène intentionnel. Intentionnel dans ce qui va progressivement régir sa structure de vie, pas intentionnel dans ce qui aura engendré le cosmos. Alors la personne commence à dire « bon ben là, je vais changer des choses ». Quand c'est pas assez fort, la personne a dit « il faut changer des choses ». Bon, ça, il faut, c'est intéressant. Quand la personne dit « je vais changer des choses », la personne, elle a de l'énergie, de la volonté créatrice, si elle ne se déprime pas, puis là, elle va commencer à regarder autour d'elle, puis elle va dire ben, « premièrement, moi, j'ai essayé de faire telle affaire. Pour ça, je ne le fais plus, puis c'est fini là. » Demain matin, elle peut faire une rechute, puis le refaire, ça ne change rien. Hier, elle a exprimé de la volonté créatrice. Et c'est une chose, c'est souvent que les personnes ont de la difficulté à retenir. Et c'est ce qui peut engendrer la déprime progressive au niveau de l'ego chez les personnes qui se conscientisent, une déprime passagère souvent, c'est que les personnes pensent que lorsqu'on a réglé un problème, on l'a réglé pour tout le temps. Non. Lorsqu'on a réglé un problème, on l'a réglé là. Exactement comme lorsqu'il se met à pleuvoir, on sort notre parapluie, on a réglé le problème. Oui, c'est vrai. Mais il va encore pleuvoir demain matin, puis dans deux semaines, dans un mois, puis dans un an, il faudra encore sortir un parapluie. Bon, à un moment donné, on aura probablement un vêtement avec un champ électromagnétique qui va simplement créer une répulsion sur l'eau parce que l'eau polarisée quand elle descend du ciel. Alors, vu que l'eau polarisée, l'eau ne te touchera plus. Et là, tu pourras dire, j'ai réglé mon problème à plus long terme. C'est-à-dire que j'ai un vêtement, puis quand il commence à pleuvoir, automatiquement, il se met en marche, ça règle le problème. Sauf que, étant donné qu'on est dans un contexte prédatorial, qu'on est dans un contexte très, très, très, très arbitraire, qui est déjà arbitré par des mécaniques d'évolution, la planète Terre, entre autres, l'humain n'aura pas de libre arbitre dans la planète Terre. L'humain va être capable d'avoir un libre arbitre dans le confort de sa vie. Et ça, c'est ce que les personnes doivent comprendre. On va développer la volonté créatrice uniquement parce que c'est intelligent et ça va nous mener à améliorer le confort de notre vie. Donc, on va être capable d'être obligé de manger parce qu'on a encore un corps physique, mais on va être capable de s'arranger pour avoir suffisamment de bonne nourriture pour éliminer les stress physiques, vitaux, astral et mental. La volonté créatrice, ça sert à ça. Mais on l'actualise comment? On met ça comment dans la matière de la volonté créatrice? En créant des choses dans notre travail ou en créant des nouvelles formes dans notre vie de couple? Ben n'importe quoi. La première chose que l'on fait pour exprimer de la volonté créatrice, on fait rentrer le mental dans sa vie. Mais quand je dis on fait rentrer le mental dans sa vie, ça ne veut pas dire on devient mental. Ça veut dire qu'on fait rentrer le mental dans sa vie. Et quand le mental rentre dans la vie de quelqu'un, l'astral sort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de l'ordre dans sa vie. On met de l'ordre dans son corps physique, on met de l'ordre dans ses idées, on met de l'ordre dans sa chambre, on met de l'ordre dans sa sacoche, dans son automobile, on met de l'ordre dans son cabanon, on met de l'ordre dans sa maison. Quand on a mis de l'ordre dans sa maison, bien là, on met de l'ordre dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que quand on est une personne qui se conscientise, on doit être son seul maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis à la maison le seul qui se conscientise, ou celui qui se conscientise le plus, ben, tout le monde devra embarquer dans ma conscientisation au niveau de l'ordre. Ça ne veut pas dire que je vais commencer à convertir les gens. Ça veut simplement dire que moi, je considère que telle chose ne va pas là. Par exemple, tu tondes le gazon, puis tu laisses traîner la tondeuse à pluie. C'est pas correct. On abîme de la matière. Abîmant de la matière, on abîme la vie des humains qui ont travaillé à bâtir la machine. On abîme la vie de tous ceux qui ont participé depuis les minéraux, aller jusqu'à la machine, plus ton temps ou le temps que quelqu'un a pris à gagner de l'argent pour l'acheter. C'est ça qu'on abîme quand on abîme la matière créée par l'humain. Alors moi, je vais décider que je mets maintenant de l'ordre. Fait que la tondeuse, t'as fini de tondre le gazon, parfait, maintenant tu la sers. Oh, blablabla. Non, c'est moi qui ai le plus conscientisé, ben, c'est mon ordre qui va être établi. Et c'est extrêmement important. L'humain va... On a déjà parlé, par exemple, de la quête du Graal, des chevaliers de la table ronde, et on a dit qu'au Québec, dans ces années-ci, le Graal, les individus devaient le trouver chez eux, c'est-à-dire que le Graal devait développer, naître chez eux. Puis à un moment donné, quand Arthur a perdu le Graal, lorsque Perceval le retrouve, etc., bien, il ramène Arthur, puis tout ce qu'Arthur finit par découvrir, c'est qu'il vient de comprendre pourquoi il a perdu le Graal. Alors il dit, oui, bon, je comprends, je dois être roi. Puis automatiquement, le Graal est revenu. Je dois être roi. Bon, le Milan, c'est je dois être mon seul maître. Aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, la personne qui se conscientise doit imposer. La volonté créatrice, elle commence par mettre de l'ordre. On impose notre façon de vivre à ceux qui vivent avec nous. Exactement. Et ça devient compliqué parce que... Advienne que pourra. Non, pas advienne que pourra. Ça passe ou ça casse? Ça vient à ça. Non, parce que dans la grande, grande majorité des cas, ça passe. Si vous saviez combien d'individus font tout pour vous empêcher d'avancer, uniquement parce que inconsciemment ils vivent des projections, ils vivent un paquet de problèmes, et ils n'ont qu'un seul espoir, c'est que vous finissiez par livrer la marchandise, que vous soyez ce que vous devriez être. Les personnes qui se conscientisent, ça se transpire. Alors, il y a du monde qui vous rencontre, là, puis inconsciemment, ils savent que vous êtes intelligent et intelligente. Inconsciemment, ils savent que vous êtes puissant et puissante. Et quand ils vous regardent aller égoïquement, ils se rendent compte que vous êtes totalement plate. Alors, ils sont frustrés, inconsciemment. Et étant frustrés inconsciemment, ben là, ils commencent à nous sauter sur le dos, ils nous donnent des leçons. Ils nous empêchent d'avancer, ils nous narguent, ils nous niaisent, ils sortent notre ego, ils font tout. Finalement, ça travaille contre l'astral, ce qu'ils font, mais il faut qu'on comprenne le principe, mais ça nous permet de monter. Et à un moment donné, si on décide de mettre de l'ordre, c'est évident que les individus, au début, ils vont chigner un peu. Mais il n'y a personne qui ne parvient pas à s'adapter assez facilement à un monde mieux. Mais quand je dis mettre de l'ordre, c'est évident que si j'impose à quelqu'un de ramasser la tondeuse, il faut que moi, à un moment donné, je ramasse aussi ma tondeuse ou je ramasse mes cossins. Si je laisse traîner, j'ai le droit de les laisser traîner. Par contre, l'autre a le droit de me dire de les ramasser. C'est sûr qu'il ne prendra pas le moyen le plus intelligent. Je veux dire, il va s'organiser pour te récupérer astralement au maximum, mais il a raison, parce que c'est l'ordre qui a raison, puis on devrait simplement ramasser nos pénates, nous aussi. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'individu qui se conscientise, c'est l'individu qui doit être le maître d'œuvre, le chef d'orchestre dans sa vie, et nécessairement dans tous ceux qui l'entourent, parce que les individus qui l'entourent sont des êtres manipulables, des êtres qui seront manipulés par l'astral, qui seront manipulés parce qu'il pleut, ou parce qu'il fait trop chaud, ou parce qu'il fait trop froid, ou parce qu'il est bon. Et tant qu'à être manipulé, mieux vaut que se manipuler par le plus intelligent vecteur dans le coin, qui est normalement la personne qui se conscientise. Est-ce qu'on doit imposer ces choses-là au moment où on est vraiment capable, nous, de le faire? C'est évident. Ou si on le fait en transition? C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand on parle d'imposer, évidemment, on n'impose pas aux autres, on impose à soi. Mais imposer à soi, ça veut pas dire que parce que l'autre laisse traîner ses affaires, ben t'es ramasse, puis t'es serre, puis il fait une affaire, ben il laisse la vaisselle dans le lavabo, ben t'as lave. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on doit s'arranger pour établir certaines choses. La personne, si elle est traîneuse, ben si elle est traîneuse, l'astral se promène partout dans la maison. Nécessairement, l'individu n'aura pas une pensée claire, la personne qui est traîneuse, elle n'aura pas une vie claire, elle n'aura pas une spiritualité claire, elle n'aura pas une conscientisation claire, elle n'aura rien de clair. Elle va toujours être dans « je comprends pas ». Bon, tout haut. Alors, à un moment donné, il faut qu'on commence graduellement avec nous, mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas imposer à l'extérieur, puis quand je parle à l'extérieur, c'est pas aux humains, je parle à la matière, pas tout ça au complet, on ne peut pas imposer une volonté créatrice si on n'est pas nous-mêmes capables de l'exprimer, donc de la supporter suffisamment. c'est pas une question de spiritualité, de moralité. On va dire, tiens, on va faire comme Daniel Kim a dit, puis on va commencer à faire ça, pas faire ça, pas faire ça. On fait jamais quelque chose parce que quelqu'un l'a dit. On fait quelque chose parce qu'on est prêt à le faire. On fait quelque chose parce qu'on sent que là, on en aura le bol de ce qui arrive, des conneries qui nous entourent, et puis là, c'est le temps de changer quelque chose. Quand vous allez dire, à un moment donné, ben là, j'ai ras-le-bol, fini, là, moi, je change des choses, c'est pas parce qu'un conférencier l'a dit, ou une conférencière l'a dit, ou un livre l'a dit. Ce qui a été dit peut être en affinité avec ce qu'on veut faire, ça va nous permettre égoïquement de comprendre ce qu'on veut faire. Mais on le fait pas parce que quelqu'un l'a dit. On pourra pas plus le faire. La créativité ancienne ou à la créativité astrale, c'est que c'est celle qui sert aux peintres, beaucoup de romanciers, beaucoup d'écrivains, tout ça, c'est bordélique. Ils sont dans un bureau où il y a des piles de livres qui traînent partout. C'est pas de la volonté créatrice, eux autres, ce sont simplement C'est de la créativité, de l'expression de créativité. Ils expriment simplement les brouhahas du monde astral, dans la majorité des cas. Sinon, c'est de l'information supplémentaire qui descend à travers l'astral, qui vient les manipuler à faire des choses. Mais ils ne sont pas conscients. Eux, le résultat de leur création, c'est toujours ça plaît à l'astral ou c'est pour l'astral. C'est ça. Quelle est la différence dans la volonté créatrice? Mais la volonté créatrice, ça va plaire en plus à l'humain intelligent. Ça va plaire à l'astral, la volonté créatrice. Mais en plus, ça va plaire à l'intelligent. C'est une grosse différence. Et en plus, c'est très rentable d'exprimer la volonté créatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé s'améliore, ça veut dire que les conditions financières s'améliorent, ça veut dire que les conditions de relations humaines s'améliorent, ça veut dire que l'automobile qui est en train de tomber en morceaux s'améliore, ça veut dire que tout s'améliore. Puis comment on fait pour améliorer la santé financière avec de la volonté créatrice ou la santé physique? On met de l'ordre. En mettant de l'ordre, ça ne va pas nécessairement amener de la finance? Oui. Si vous mettez de l'ordre, vous allez être riche, chef ciel. Ça va amener de l'argent. On va retrouver de la vieille argent qu'on avait laissé traîner en dessous des cellules. C'est ma femme, ça, qui trouve la vieille argent que j'ai traîné de partout. Je ne l'ai pas nommé, là. C'est ça. Mais je sais où est-ce qu'elle la cache. Fait que je refais toujours la même, puis elle retrouve toujours la même, puis bon. Est-ce qu'on va travailler mieux? On va créer plus? Donc, ce qu'il faut comprendre, simplement, c'est que présentement, on vit des problèmes. Pas grand monde heureux sur la planète. Les gens vivent des problèmes financiers, des problèmes de temps, des problèmes de santé, des problèmes simplement de nourriture astrale, d'affection, des problèmes de nourriture mentale, des problèmes de nourriture vitale. L'humain a des problèmes. Quand l'humain commence à mettre de l'ordre dans sa tête, quand l'humain commence à exprimer la volonté créatrice, il arrive simplement, puis la volonté créatrice, elle descend chez l'humain en commençant par imposer l'ordre. Bon, alors en mettant de l'ordre, tu atterris de la volonté créatrice. C'est un peu comme je te dirais, bon, faut que tu manges du fer parce que tu es anémique, tu es trop fatigué, puis tu bois tout le temps, puis tu as de la misère à bon, tu sais, faut que tu respires beaucoup. Alors, je te dis, prends les capsules de fer. Là, tu me dis, oui, mais les capsules de fer, c'est du fer. T'sais. C'est pas à cause que je mange du fer que je vais cesser de respirer à tout bout de champ des grandes respirations. Oui, il faudrait que je t'explique toute la mécanique au complet, là, mais c'est parce qu'il te manque d'hémoglobine, donc tu ne transportes pas assez d'oxygène au niveau de tes tissus, ce qui fait que tu es trop fatigué, etc. Mais si tu ne gères pas le fer, il va falloir que tu t'habitues et que tu apprennes à digérer le fer. Fait que là, la première étape, ça va être, bon, parviens à digérer le fer. Ah, parce que si je digère mieux, là, moi, ça, c'est l'heure des problèmes. Oui, non, mais oui. Bon, alors c'est un peu la même chose. La volonté créatrice, qu'elle fait simplement, c'est que quand on commence à mettre de l'ordre, on atterrit la volonté créatrice. Autrement dit, on va se créer un tissu particulier au niveau de notre conscience qui va nous permettre de recevoir une énergie qu'on a de la difficulté à arrêter. C'est comme si on se faisait un tamis. L'énergie, elle nous traverse, on ne s'en rend même pas compte. C'est comme les neutrinos, ça nous traverse sans arrêt, on ne s'en rend même pas compte. Il y a quelques milliards qui viennent de passer à travers ton corps, toi. Bon. Et puis, des particules, comme les photons. Alors, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'en exprimant, en descendant l'ordre de la volonté créatrice, on se crée une espèce de tamis qui va être capable d'arrêter de l'énergie. Et cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire qu'à un moment donné, elle va commencer à s'expandre dans la conscience de l'humain, et ça va amener de l'information à l'humain. Ça va vous amener de l'information, et cette information-là va être de l'information qui va solutionner 100% de tous les petits problèmes que tu vis. Sauf que l'humain ne peut pas comprendre l'idée comme ça. À un moment donné, moi, je travaillais avec des personnes, et puis pendant longtemps, les personnes avec qui je travaille me disent, comment nous autres, on peut faire pour être riches? Quand je le disais, bien, en continuant à vous conscientiser... Ouais, sauf que les gens, quand ils regardaient, il y avait juste moi qui pouvais être riche. Les autres, ils ne pouvaient pas être riches. Les autres, ils travaillaient tous pour moi. Donc, si je les augmente pas, ils ne sont pas plus riches. Alors moi, je disais, faites-moi faire plus d'argent, on va vous augmenter. C'est logique. Et puis, à un moment donné, bien, les gens ont placé des choses autour d'eux. Les gens ont commencé à mettre de l'ordre. Les gens ont commencé à vouloir cesser de niaiser. Les gens ont commencé à prendre leur corps puis à le promener, à être un peu plus leur maître contrôleur. Puis là, moi, j'ai commencé à avoir des idées pour qu'ils commencent à être riches. Mettre de l'ordre, ça implique aussi mettre de l'ordre dans ses finances, dans ses affaires, dans son testament, dans ton karma surtout. Ton karma surtout. Paye tes dettes. Les dettes karmiques? Oui. Puis là, automatiquement, ben là, j'ai commencé à avoir des idées. Puis là, quand je leur en parle, ben, les idées sont géniales. Ça ne veut pas dire que ça va rapporter encore de l'argent ou du temps. Sauf que maintenant, on a des idées qui sont exactement comme on les cherche depuis des années. Des idées qui sont accessibles à tout le monde, qui peuvent enrichir tout le monde en temps et en argent. Après ça, il faudra qu'ils se démerdent pour s'enrichir au niveau de la santé, au niveau de d'autres choses. Mais chaque chose en son temps. Sauf que maintenant, on a une idée, des coups deux idées, des coups trois idées, des coups quatre idées. Tiens, les idées qu'on trouvait, qu'on ne voyait pas comment, bien, là. Puis il va en avoir de plus en plus. Les personnes sont capables de maintenir l'ordre dans leur vie. Parce qu'il y a des petites idées là, qui viennent à un moment donné, des petites idées qui vous assaillent, vous les essayez, ça ne fonctionne pas. Mais c'est des idées, ça, c'est des prémices d'idées, ce n'est pas des vraies idées. C'est là uniquement pour voir si tu vas continuer à supporter l'énergie créatrice, la volonté créatrice, ou si tu vas devenir tout de suite barbouillé d'enthousiasme astral, puis déconnecter des plans supérieurs pour commencer à vivre comme l'animal humain. Là, nécessairement, ta volonté, tu ne l'as plus. Alors, la personne qui est centrée sur elle-même, la personne qui met de l'ordre, bien, quand l'ordre est installé, pas quand on a fait le ménage une fois, quand l'ordre est installé dans sa vie, hein, je disais dernièrement des séminaristes, c'est ce qu'il faut que l'humain parvienne à faire, c'est de ne plus jamais avoir à faire le ménage. Donc, c'est toujours entretenu. Tu n'as pas de grosse corvée à faire. On ne parle pas de la maison, c'est évident qu'une fois par année, on lave les fenêtres. Je ne laverai pas les fenêtres une fois par semaine, histoire de ne pas avoir à les laver une fois par année. Mais on n'a pas de ménage à faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne dis pas, bon, ben là, ma chambre, là, je n'irai le bol, là, on y va. Puis là, quand tu as fini, tu as à peu près 9 sacs de poubelles dehors. Puis il en reste encore, tu sais. T'es le plus gros. T'es le plus gros. Ça, c'est de faire du ménage, qu'on ne devrait jamais avoir à faire du ménage. Donc, dans sa mémoire, dans sa pensée, dans ses amis, dans ses relations, dans sa vie, dans sa matière, partout, on ne devrait jamais avoir à faire du ménage. Tout doit être entretenu. Si l'humain est capable de maintenir un, deux, trois mois, on va dire trois, quatre mois. T'as six mois. T'as un bon chiffre, six mois. T'as un chiffre sacré, six. Sur une autre planète, en tout cas, c'est un chiffre sacré. Ici, c'est 7, puis 21, puis 40, puis oui, donc, bon. Alors, quand l'humain est capable de maintenir ça six mois de temps, il y a des idées qui commencent à germer. Puis ces idées-là, c'est une expression de la volonté créatrice, c'est que la personne devient un outil pour pouvoir s'épanouir à d'autres choses. Et les premières choses qui vont apparaître dans sa vie, si c'est la santé qui est le problème, elle va avoir exactement ce qu'il faut pour arranger sa santé. Subitement, elle va développer des goûts, elle va développer des perceptions, elle va développer des choses, puis elle va savoir que c'est ça qu'elle doit faire. Elle va savoir exactement ce qu'elle doit faire. Et en plus, donc, si elle ne se déprime toujours pas, elle aura en plus l'énergie de faire ce qu'elle doit faire. Mais l'humain doit commencer, pour exprimer la volonté créatrice, l'humain doit toujours commencer par une chose à la fois. Donc la première chose, c'est de mettre de l'ordre. Oui, puis dans le mettre de l'ordre, une chose à la fois, et tout de suite. C'est extrêmement facile, sauf que l'humain est trop élitique. T'es élitique, toi aussi. L'humain est toujours en train de vouloir faire tout de suite beaucoup, parce que sans ça, il a l'impression que ça n'a pas de valeur, qu'il ne fait rien s'il fait des petites choses. Puis c'est un gros problème, parce que l'humain se dit simplement, ben moi, là, je vais aller à Québec uniquement quand je vais avoir suffisamment d'essence dans mon réservoir de 4 roues pour me rendre à Québec. Mais ton réservoir, là, il peut mettre assez d'essence pour te rendre à Saint-Hyacinthe, après ça à Trois-Rivières, à Drummondville, après ça à Trois-Rivières, après ça, tu sais, bon. L'humain, il attend d'en avoir pour se lancer. C'est ce qui fait que l'humain manque souvent son coup. Il faut y aller par l'étape. Oui. L'humain, il part. C'est... Quand j'étais jeune, je traversais les rues comme ça, moi, là. Et par l'étape, c'était une farce. Par étape ou deux coups? Par étape. C'est une farce qu'on faisait. On voulait voir ce que les gars, les conducteurs, les conductrices pensaient. Alors, il y a une auto qui semblait. Un gros boulevard. Donc là, on passait à traverser la rue, on faisait comme si on n'avait pas vu l'auto, parce qu'on allait dans la voie opposée, l'autre bord de la rue. Là, on arrivait à peu près à trois pieds du trottoir, puis hop, on voyait l'auto, on revenait carrément à l'autre bord de la rue. Au lieu de faire des trois pieds qui restaient, là. Bon, les personnes, ils se conscientisent comme ça. Chanceux d'être conférencier aujourd'hui. Ah, ben, c'est parce que je courais vite. Mais je me suis fait frapper une fois. Mais je n'étais pas rendu de l'autre bord, là, c'est parce que je n'avais pas vu l'auto. Et moi, je l'ai frappé. Puis je t'ai pas assuré... contre les autres. C'est ça, pas assuré des deux côtés. Mais la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle évolue, elle se dit, bon, ben là, moi, je me lance, ça y est, je suis prête. T'es prête à quoi? Ben, à monter l'escalier au complet. Fait qu'elle a part en courant, là, elle monte, il y a 20, mettons, il y a 20 marches dans l'escalier, elle en monte 15, puis rendue à 16e, elle est plus capable, puis à 17e, elle s'accroche, elle est plus capable, qu'est-ce qu'elle fait, elle redescend en bas. Elle redescend en bas au complet, ben, elle dit, là, je vais aller me reposer, là, il n'y a rien à faire, je suis pas capable, je suis trop con. Après ça, elle remonte d'énergie, puis elle se garoche encore, puis elle fait 18 marches encore une fois, puis elle n'est pas capable de se rendre à 19e, elle redescend encore en bas. L'humain fait ça. Alors que l'humain devrait, minimum, tant qu'elle se rende à 18e, se repose-toi à 18e, après ça, de remettre de l'air. Mais l'humain devrait monter une marche quand il y a l'énergie de monter une marche. C'est exactement comme la personne veut devenir riche. Alors moi, je lui dis, écoute, quand tu trouves une scène noire à terre, ramasse-la, c'est le début. Oui, oh non, si je ne suis pas riche avec une scène noire. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit simplement, c'est que pour devenir riche, faut que tu commences par ramasser. Alors, c'est pas ramasser des millions, c'est ramasser. Ramasser tout court. Bon, alors en ramassant tout court, en ramassant un paquet de bebelles, tu vas finir par monter une marche. Ouais, je suis pas riche. Non, tu es une marche plus haut. Tu es déjà plus confortable. Énergétiquement, c'est la même chose. La personne, elle doit s'autoriser à faire une affaire qu'elle peut faire, ça finit là. Elle va déjà être plus confortable. Parce que l'humain ne peut pas... Le rôle fondamental de l'humain, tant que l'humain est esprit par les mécaniques spirituelles d'évolution, c'est de parvenir à être confortable. C'est uniquement ça qu'on peut faire. On ne peut pas rien faire d'autre. Être confortable. Égoïquement, on la voit, la 20e marche. Ça, c'est quand, ou peut-être on pas. La voit, je comprends qu'on la voit. On y a goûté. On est sûr que tout le monde s'est rendu là. Est-ce que parce qu'on est capable d'y goûter ou parce qu'on est capable de visualiser à peu près ce que ça donne, est-ce que c'est parce que dans le fond, on est capable de le faire? Autrement dit, est-ce que si je ne pouvais pas voir la 20e marche, je ne pourrais pas m'y rendre? Non, l'humain, même si l'humain ne voit pas la 20e marche, l'humain se la crée la 20e marche. Au fur et à mesure qu'il monte. Bon, sa spiritualité, son émotivité, son imagination, lui a ancré des marches en masse. Il y a des personnes, à un moment donné, qui arrivent à la 20e marche, qui sont là, sont tout contents. Puis ils sont rendus à la première marche, mais pour eux autres, c'est la 20e. Fait que là, ils se prennent pour d'autres, puis ils font un paquet de choses, puis ils font des conférences, puis je comprends. Bon. Ça dépend du monde. Et puis, à un moment donné, ben là, ils ont la désillusion des dieux, ils se rendent compte que la 20e marche, c'était la deuxième marche. C'est juste ça. Puis là, s'ils se dépriment pas, ben là, ils montent à la 20e marche. Puis à la 3e, évidemment. Et puis là, ils recommencent encore à vivre le snobisme de l'évolution. Puis à un moment donné, il y a encore une désillusion des dieux. Puis à un moment donné, ils finissent par monter à la 4e, puis après ça, la 5e, puis la 6e. Puis après ça, ils finissent par y aller bien lentement. On y va, quoi, c'est correct. Tant qu'à monter, on va monter confortable. Moi, je monte à la 5e, je monte ma chaise, mon système de son, mes cossins, je monte tout à la 5e. Ça sert à quoi? Je me ramasse à la 5e, mais plus rien. Là, je me dis, j'étais bien mieux à la 4e. Je suis rendu sur la 5e marche, il faut que je me tienne debout, pas de mur à côté, j'ai pas rien. Tu montes tes bebelles. L'humain doit monter, pas d'un coup, tout à faire au complet. C'est souvent ce que l'humain recherche. Parmi certains séminaristes, il y en a plusieurs à un moment donné qui me disaient « Comment je peux faire pour vivre une initiation solaire massive tout de suite? » Prie pas pour ça. Non, c'est ça. la volonté créatrice s'exprime, puis la personne doit simplement la descendre un peu. C'est-à-dire que la descente atterrit là. C'est qu'on confirme ce que tu as vu. C'est déjà ça. On parle de mettre de l'ordre. On met de l'ordre dans une affaire. Mettons qu'on est réellement bordélique. On prend une pièce. Ça peut être l'entrée. Mettons l'hiver prochain. Hein? On dit, ben, l'hiver prochain, je vais maintenir mon entrée pelletée. Puis mes marches pelletées. Puis ma sortie d'urgence pelletée. Pas de poubelle en avant. Bon. Puis je vais même faire mieux, je vais même aller pelleter la bonne fontaine. Tu sais, Joe Lichaine? Parce que c'est un petit off, ça, qui me suivait partout. Je me suis promené partout dans sa planète, puis t'es tout là, c'est coin des rues, ma tante. Il est fini dans tous les bras, puis les bonnes fontaines. Alors, tu pelles ta bonne fontaine. En quoi qu'il y ait un feu, il n'y aura pas de feu. C'est sûr, il n'y aura pas de feu. Le feu, l'hiver, il y en a seulement où les bonnes fontaines ne sont pas pelletées. C'est ça. Fait que tu pelles ta bonne fontaine. Juste de l'ordre. Que tu vas dire, oui, mais ma maison, c'est encore bordélique, etc., ça n'a aucune importance. Une chose à la fois. Commence à atterrir une chose à la fois. Par exemple, le frigidaire, on le tient propre. C'est banal, hein? C'est juste ça. C'est là, on est ras-le-bol. Ce qui décourage la plupart du temps aussi, c'est quand tu essaies de tout faire en même temps. C'est-à-dire, quand on a cette espèce d'écœurement-là, on dirait qu'on a l'énergie de tout le faire, mais on se rend compte en essayant de le faire qu'on est pas, on se décourage. Tu n'auras pas assez d'énergie pour maintenir ce que tu auras fait. C'est ça. Okay, c'est pour ça que je dis, tu te corroges au 18e marche, puis après ça, tu n'arrives pas complètement en haut, puis là, tu recommences à te dégonfler lentement. Puis après ça, ça redevient bordélique. Sauf que là, tu as expérimenté un peu l'ordre, fait que ça peut te faire souffrir encore plus. c'est une énergie nécessaire, mais il ne faut pas que tu te déprimes, puis la personne, si ça se déprime, elle peut s'écœurer d'une façon astrale, c'est-à-dire qu'elle peut vivre une colère astrale, puis avec des mots très catholiques, elle va tout te mettre ça, bon. C'est pas ça que l'humain doit vivre. La volonté créatrice, c'est quelque chose qui s'exprime quand l'humain décide qu'il change des choses. Je vais changer des choses. C'est pas je vais changer de peignure. Moi, je pose pas même là. Mais tu sais, c'est pas je vais changer d'automobile. Peigner mon cheveu à droite ou à gauche. C'est ça. C'est, je le mets à droite, le pouce à gauche, je le mets à gauche, je le pouce à droite. Fait que, je le laisse s'occuper de ça. Mais la volonté créatrice, ça commence quand la personne décide de bouger les choses. Puis quand elle commence, quand elle décide de bouger les choses, elle est en train de faire le choix de l'homme nouveau. C'est l'être nouveau et elle est en train, la personne, de progressivement transiter royalement dans un autre monde où la volonté créatrice est la base même de ce qui va être exprimé là-dedans. La volonté créatrice, ça peut faire ceci. Ça peut faire en sorte que quand intelligemment, quand l'humain est suffisamment enclenché dans la volonté créatrice, tout ce que l'humain va décider va s'accomplir. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'on peut poser la question astrale s'il y en a deux qui décident des choses différentes sur la même affaire. C'est moi, je veux cette automobile-là. Puis il y en a un autre là-bas qui dit, moi, je veux cette automobile-là. Puis, c'est la même automobile, puis c'est deux volontaires créateurs, là. Il se passe quoi? Ils se marient? Covoiturage. C'est ça, ils se marient? Non, il va arriver simplement que l'humain, par synchronicité, par énergiopathie, qui est une télépathie beaucoup plus évoluée que ce que l'humain vit présentement, va automatiquement ne pas décider d'avoir une automobile qui a déjà été décidée par quelqu'un d'autre. Est-ce que l'humain va l'avoir décidé ou est-ce que parce que ça va être prêt à ce que ça lui arrive, l'idée de décider va lui arriver? Non, la volonté créatrice, ça te permet de décider les choses, sauf que tu es un être intelligent lorsque tu es capable d'exprimer suffisamment solidement une volonté créatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je décide de prendre... je décide, par exemple... de m'asseoir sur ce banc d'autobus-là, puis là, je vois une personne handicapée qui s'en vient, qui a un sérieux problème à se tenir debout, ben, je laisse le banc. Quelqu'un dirait, ah, t'es fait fourrer, l'astral, t'as ramassé, ben, c'est, ouais, mais bon, ça n'a rien à faire. Moi, ça n'a rien changé ma vie, ça n'a rien altéré ma vie. Est-ce que c'est l'astral, est-ce que c'est moi, ça n'a rien changé? Juste une chose qui est absolument certaine, c'est que quand moi, j'achète un billet de loterie, je gagne. Fait que ta volonté créatrice, tu n'as pas besoin de te l'avoir confirmé à chaque élément que tu vis dans ta vie. Tu deviens intelligent. Donc, étant intelligent, tu es capable de dire, je veux cette automobile-là, puis en même temps, tu vas savoir que ce n'est pas elle qu'il te faut. Pourquoi ce n'est pas elle qu'il te faut? Tu ne sais pas, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi ce n'est pas elle qu'il te faut. Si tu fouilles, tu vas savoir qu'il y en a un autre qui la désire, puis elle va être beaucoup plus efficace pour lui que pour toi. Donc, ce serait automatiquement très intelligent que ce soit lui qui l'aille. Même si tu ne connais pas l'autre personne, ça ne change rien. Alors, la volonté créatrice, ça va s'exprimer puissamment par l'intelligence, et ça ramène à une des lois de l'ère nouvelle. Dans l'ère ancienne, l'humain peut faire quelque chose seulement quand c'est le temps. Il veut arrêter de fumer, ben il peut pas. Il va s'efforcer pendant 6 ans d'arrêter de fumer, puis après 7 ans et demi, il arrête. Il dit, grâce à ma volonté, je suis parvenu à cesser de fumer. Non, c'est pas vrai. Le gars, la fille, il aurait jamais essayé d'arrêter de fumer, puis 7 ans et demi plus tard, ça allait arrêter quand même. Bon, quand c'est le temps, ça se fait seul. Sauf qu'à un moment donné, quand ta personne transite, il vient à un moment donné où elle est prise entre deux feux. Elle est rejetée par les lois de l'ère ancienne. Alors, tout ce que vous essayez, que les autres font, puis que ça fonctionne plus pour nous autres. Puis là, elle commence à connaître les lois de l'ère nouvelle. Et tout ce qu'elle va essayer de ces lois-là, ça fonctionne pas non plus parce qu'elle n'est pas acceptée dans l'ère nouvelle, puis elle est rejetée de l'ère ancienne. C'est la partie transitive. Là, normalement, il n'y a plus personne qui te comprend. Puis si l'humain veut être collectif, ben je comprends plus lui non plus. Ça, c'est la partie très confortable d'être assis sur la ligne blanche au lieu d'être sur un bord du trottoir. Exactement. Ou sur le bord du trottoir. C'est ce qui fait penser à la personne qu'elle est toujours sur le bord du précipice, alors qu'il n'y a pas de précipice. De toute façon, même si on est sur le bord du précipice, puis si on n'a pas tombé. Tant qu'on n'est pas dedans, ça va. Non, ben tu sais, c'est pas mais grave, tu tomberas pas. Tu es sur le bord, mais tu tomberas pas. C'est pas ton plan de vie de tomber, mais tu es sur le bord. Peut-être que tu es sur le bord, tu es à un atome près, mais c'est pas ton plan de vie de tomber. Tu tomberas pas sur même pas à peine que l'humain s'inquiète. Les choses vont bien tout seul, je vous assure que ça fonctionne bien tout seul. On ne sauve pas à peine de s'inquiéter. De toute façon, si tu tombes, hein? Pas à peine de t'inquiéter. C'est un atome près, mais sur l'autre bord. Mais il fait un testament. L'humain ne tombera pas. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que la période de transition est extrêmement pénible. Pourquoi? Parce que c'est la période qui voit naître chez l'humain le début de la négoïsation, qui voit naître chez l'humain la fonte de son ego, c'est ça qui est la négoïsation, la fonte de son ego, qui voit naître chez l'humain, autrement dit, la naissance d'une humilité réelle. et qui voit apparaître chez l'humain le début d'un double éthérique, qui voit apparaître chez l'humain la création d'un troisième cerveau, qui est le double éthérique, qui va amener à l'humain une intelligence instantanée et non pas un phénomène mémoriel, qui va progressivement amener à l'humain un ajusteur de pensée, qui va progressivement amener à l'humain une énergie qui va lui être capable de lui donner les réponses à ce qu'il a besoin comme énergie de réponse. Et lentement, l'individu va finir par transiter. Mais dans l'ère nouvelle, c'est le temps seulement quand on le décide. Puis dans l'ère ancienne, tu peux le décider tant que tu veux, mais ça n'arrivera pas tant que ce ne sera pas le temps. Puis dans l'ère nouvelle, bien, ça va arriver seulement quand tu vas le décider. Là, ça va être le temps. Et l'humain étant pris entre les deux, c'est qu'à un moment donné, matin, mardi matin, tu es suffisamment bon en énergie, tu es dans l'ère ancienne. Là, tu décides que tu n'auras pas d'accident avec ton char, même si tu ne portes pas de ceinture. Bon, paf, tu en as une majeure. Là, tu ne comprends plus rien. Parce que la veille, tu avais décidé que tu n'aurais pas de crevaison, même si c'est inclus dans ton pneu, tu t'es rendu chez vous, puis c'est pas dégonflé. Fait que le lendemain, tu décides encore que, mais c'est tellement nourri astralement de ta réussite apparente, c'est normal que l'air dans un pneu ne s'en aille pas là où on veut pas qu'elle aille. Il n'y a rien de plus naturel. Sauf que l'humain n'est pas habitué à ça, fait que l'humain est tout content, tout fier égoïquement, il se baisse en énergie un peu, il nourrit son corps astral, le lendemain matin, il veut réappliquer les mêmes lois, mais c'est plus les mêmes lois. Alors, parce que l'humain n'est plus le même qu'il était la veille. Exactement. Pendant la période de transition. Mais il vient un moment donné où, après avoir essayé tant et tant de fois de décider, donc d'exprimer de la volonté créatrice, sans résultat, bien, il vient un moment donné où ce serait le temps là, de le faire, puis on ne le fait pas. Parce qu'on est découragé souvent, de l'avoir essayé, puis ça ne marche pas. Comme je dis souvent en séminariste, ce que l'humain a fait, c'est que l'humain, pendant des millions d'années, a joué qu'il était Dieu. Alors que maintenant, il l'est. Il pense encore qu'il joue. Ben, ça crée un maudit problème. On appelle cela la fausse humilité. Où la personne, elle se médiocrise. Elle ne veut pas trop être, elle ne veut pas trop être bonne, elle ne veut pas trop être forte, pas trop être ceci, parce que maintenant, tu es capable, tu l'es, là. Tu l'es. Bon, hein, c'est l'humain va exprimer sa volonté créatrice en développant son intelligence, c'est évident. Et la volonté créatrice, c'est ce qui va permettre à n'importe qui. Puis, comprenons ceci. On a fait des conférences à un moment donné sur les lois particulières reliées à l'être nouveau en ce qui concerne la réussite. La réussite de toutes. Ben, ces lois-là s'appliquent toujours. La volonté créatrice, pour être efficace, nécessairement, l'humain doit être suffisamment égoïque, donc pour avoir trop d'ego quand il va l'exprimer, c'est-à-dire que ce n'est pas un désir de l'astral. C'est une résultante tout à fait logique et intelligente des choses. C'est devient intelligent. Puis l'humain, pour développer sa volonté créatrice, devra développer une sensibilité qui, au début, pourra le faire souffrir. La sensibilité, c'est une sensibilité qui est l'apanage de celui qui se conscientise, où l'humain va commencer à vivre une souffrance astrale de choses qui ne sont pas intelligentes. Bon, tout à l'heure, on parlait du jeune qui est tombé en bas de la fenêtre de l'hôpital Sainte-Justine. Bon, un être nouveau trouve ça totalement stupide et absurde. C'est maudit que c'est con. T'sais, ils sont vraiment débiles. Pas l'hôpital, pas la famille, pas l'enfant, ils sont débiles. Qui sont débiles? Les débiles sont débiles. Bon, les débiles sont débiles. Si c'est Dieu, ben Dieu est débile. Si c'est Satan, Satan est débile. Si c'est la nature est débile. Ils sont débiles, en tout cas, les débiles. Bon. L'humain développe une sensibilité qui fait en sorte... À un moment donné, on se fait redire encore que les puits de pétrole au Koweït, ils brûlent toujours. C'est maudit que c'était bien. Pas Saddam Hussein, il est manipulé, c'est un pauvre gars. Puis pas X, Y, Z, mais maudit que c'était paix. L'humain qui se conscientise développe une sensibilité. Et l'humain de comprendre que la sensibilité qu'il développe ne doit pas servir à le faire souffrir. Ça. Elle doit lui permettre de comprendre qu'il devient un être au minimum planétaire. C'est de l'intolérance, un peu comme tu disais tantôt, c'est de faire face à des situations qui sont ridicules. Mais oui. Et ça, ça fait quoi? Ça fait que l'humain ne pourra pas rien changer là-dedans. C'est pas son plan de vie, c'est pas son karma de changer ça. Sauf que l'humain développe une sensibilité qui va l'amener à exprimer de la créativité. Une créativité qui va être volontaire, qui va être totalement intentionnelle, qui ne sera pas désirionnelle, qui ne sera pas reliée aux mécaniques de l'ego, qui ne sera pas reliée aux mécaniques des désirs. Et l'humain qui développe cette sensibilité-là, nécessairement, finit par découvrir qu'il y a de la stupidité partout sur la planète. Il y a de l'astral là-bas, puis c'est con là-bas, etc. Sauf que l'humain, ce que l'humain doit comprendre, puis c'est sine qua non, de toute façon, vous ne pourrez pas être heureux si vous ne comprenez pas ça, c'est qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas personne autour de nous qui est stupide, qui est cave, qui est con, etc. Les événements qu'il charrie sont stupides, peuvent être imbéciles. L'humain, non. L'humain, pour exprimer de la volonté créatrice, doit implicitement cesser de juger. Il doit se détacher complètement de... l'habitude qu'il a de vivre comme s'il n'avait rien compris. tantôt, tu faisais allusion à ce qu'on paye notre karma, à ce qu'on doit payer notre karma aussi pour en faisant de l'ordre, mais ça fait de l'ordre au niveau karmique. Ouais. Est-ce que le fait de cesser de juger les autres règle une partie de ce karma? Non, mais tu vas cesser d'en ramasser, mais surtout tu vas ramasser ton énergie, mais surtout ce que tu fais en cessant de juger les autres, c'est que tu deviens ton seul maître. Comment on règle le karma à ce moment-là? Parce que la première étape, c'est d'arrêter d'en ramasser. Ça a de l'allure. Avant de payer les factures, il faut arrêter de dépenser. Bon, mais la majorité des personnes qui se conscientisent n'en ramassent plus trop de karma. Ils sont plus tellement attachés à des mémoires, etc. La majorité des personnes qui se conscientisent ne voyagent plus autant mémoriellement. Autrement dit, en québécois, ils ne trippent plus autant sur la mémoire. On en ramasse moins, mais on en traîne encore. On en ramasse moins, puis on a probablement le karma de toutes nos lignées génétiques. On a le karma de nos réincarnations. Ça veut dire à peu près 30 millions de personnalités réincarnatives, donc des intérieurs. Oui, effectivement. Mais ils ont tous été gentils, les miens. Non, mais ils n'ont tous pas vécu longtemps. À l'époque, ça mourait jeune, c'est une chance. Et puis, il n'y a pas eu le temps de faire de gaffe. Dans ta famille, il y avait des centenaires, c'est pour ça que tu as tant de problèmes, mais qu'est-ce que tu veux. Et puis, la personne, évidemment, elle a son karma de cette vie-ci à régler. Le jugement, ou pourquoi le jugement, c'est important surtout, puis c'est extrêmement important, c'est que tu règles une partie de ton karma. Puis quand je parle régler le karma, là, ça veut simplement dire te déconnecter de toutes les choses qui ne sont pas correctes karmiquement. Bon, par exemple, votre vie est parfaite, tout est parfait. Parfait. Vous êtes correct. Des bons citoyens, une bonne citoyenne. Parfait. Mais, à un moment donné, vous arrivez quelque part, bien rapide, vous cherchez une place de stationnement, vous n'en trouvez pas, puis il y en a une de vide. Mais c'est interdit de stationner là, cette heure-ci. Il y a quelques automobiles, ils ont toutes des contraventions. Fait, vous vous dites, crème, je suis même là. Là, vous êtes à plus merde, qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai pas le choix. Parce que le snob de l'évolution, lui, quand il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Bon. Alors, il stationne quand même, il prend une contravention sur le pare-brise d'un char, puis il met son pare-brise à lui. C'est réglé. L'autre va en avoir une deuxième, puis il va en avoir deux payés, parce que la sienne, il ne pourra pas payer, il ne l'aura pas trouvé sur ton char à toi, tu sais. Bon. Puis le prochain gars qui va passer, les petits martiens, les petits bonhommes verts, il regarde, et ceux qui ont des contraventions, ben, il n'en met pas un autre, hein, il en met ceux qui n'en ont pas. Mais là, ce que vous voulez, c'est une exception, là, puis on va mentaliser, on va mettre plein de raisons. C'est ça, là. C'est ce genre de choses-là qu'on ne doit pas faire. Tu as une contravention, ben paye-la. Tout. Moi, je me suis stationné dans un stationnement d'un grand chum à un moment donné. Je me suis dit, tiens, je vais plus. Je mange plus là. C'est le restaurant McDonald's. Je mange plus là. Fini. Et j'ai assez évolué. Là, maintenant, je vais passer à une autre étape. Et puis, j'ai un rendez-vous d'affaires très important, pas de stationnement, puis un McDonald's. Je me dis, crime, pour le nombre de fois que j'étais là, tu sais, franchement, je fais que je stationne mon char là. Puis quand je suis revenu, j'avais une contravention. Enfin, il faut tirer le cochard. Contravention de qui, McDonald's? Eh bien, c'est la ville de Montréal. Ils ont appelé la ville de Montréal, les autres, ils m'ont fait mettre une contravention. Moi, j'ai subventionné pendant au moins 10 ans. Mais ils ne savent pas. Et c'est ça. Ils ne savent pas. Et ça, est-ce que c'est du cas? Eh bien, là, c'est ça. Là, ce qui arrive simplement, c'est que moi, je me suis. J'ai décidé que j'avais le droit de stationner là, même si le stationnement n'est pas plein, puis que je dérange pas, au nom du fait que j'ai mangé là pendant 10 ans. Et c'est des conneries, ça. On peut pas faire ça. Mais non. Il n'y a rien à foutre. Tu veux passer à une autre étape, passe à une autre étape, puis prends pas ton passé pour en faire un garant de ton avenir. Comprends-tu? C'est très, très simple. Quand je parle de régler son karma, c'est qu'à un moment donné, l'humain fait un effet. C'est exactement comme si on dit, pour être un être nouveau, bien, on change de monde. On change d'une autre planète. Là, vous partez. Puis, tous les mois, vous revenez ici parce qu'il y a un gars qui vous doit 50 piastres. Mais là, c'est idiot. Là. Franchement, c'est pas fort. C'est pas fort, l'affaire. Mais c'est la même chose. Quand je parle de régler son karma, ça veut pas nécessairement... Là-bas, t'as pas besoin d'argent, mais tu viens quand même collecter. Ouais, par principe, là, ouais. Parce que t'as pas compris l'idée. Tu passes à une ère nouvelle, ça veut dire que tout ce qui est le passé peut pas te servir dans ton ère nouvelle. Ni en blanc, ni en noir. Si ça te sert en blanc, le noir te court après, c'est la même chose. Quand je parle de régler son karma, ça veut dire qu'on n'a plus de structure dans le passé. Quelqu'un qui est là, tu peux le rencontrer pour régler avec lui. Quelqu'un qui est plus là, ben, tu peux ne pas pouvoir régler avec lui, là, faut que tu règles avec toi. Parce que toutes les personnes qui sont assujetties karmiquement à n'importe qui ou à n'importe quoi, le sont uniquement parce que chez elles, c'est pas réglé. Alors, si on s'est engueulé à un moment donné, je suis attaché karmiquement à toi. Je devrais te rencontrer et te demander pardon. Puis si tu me pardonnes, je vais couper les liens karmiques. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me pardonner tout seul. Je n'ai pas encore la puissance pour me pardonner. Alors, je devrais demander l'accréditation de quelqu'un d'autre, qui soit toi, par exemple, ou le prêtre à l'église, par Dieu, par le prêtre. L'humain doit régler le karma. Pour régler le karma, l'humain doit couper. Puis les personnes qui sont en transition, il y a des personnes qui transitent à un moment donné. Puis là, subitement, ben là, ils disent, ouais, mais je sais bien, mais j'aimerais ça revoir mes amis d'antan, puis j'aimerais ça aussi. Garde les vieilles photos, garde le vieux linge, garde le vieil bébelle. C'est exactement la même chose. Ça, couper karmiquement, ça veut dire que progressivement, là, on doit mettre de l'ordre, c'est ce que ça veut dire aussi. On doit trancher avec tout ce qu'on avait dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes parents, mais tu tranches complètement avec eux autres dans le passé. Ça veut dire que ta femme, faut que tu tranches complètement avec elle dans le passé. Ça veut dire que moi, tes enfants, tes amis, faut que tu tranches complètement. Totalement. Ça veut dire quoi trancher dans le passé? Pas trancher avec l'individu. Ça veut dire que si moi je commence à changer, je ne tolérerai plus que tu me traites, que tu me parles ou que tu me juges comme j'étais hier. À chaque fois à nouveau, toutes les relations, c'est pas une relation qui est mémorielle. Toutes les relations sont instantanées à ce moment-là. Ah, t'es toujours en retard, c'est bien, je serais pas en retard ce coup-là. Ah oui. Mais là, moi, en tout cas, tu sais, là, j'ai plus rien à dire. Mais moi, personnellement, je m'obstine même pas, je fais rien, j'arrive à l'heure. Puis quand j'arrive à l'heure. Après ça, je prends encore un rendez-vous, puis là, j'arrive à l'heure, t'es en retard. T'arrives, tu me dis, ah, oh, ben ouais, t'es toujours en retard, moi, je pensais que... T'sais, écoute, j'ai changé, je suis plus en retard. Quand je serai en retard, j'aurai des bonnes raisons, je suis plus en retard. Faut que tu le dises, j'ai changé. Parce que l'autre, ça va lui prendre 10 ans avant de s'en rendre compte. Parce que, bon, j'ai changé. Bon, alors, c'est très, très, très important de couper les liens karmiques, c'est surtout comme ça. Ça, c'est ceux qui nous entourent encore, mais tantôt... Non, ceux qui nous encorent, ceux qui nous entourent, en triangulise, toute la gang. En serpentalise. Mais ceux qu'on ne fréquente plus, puis qu'on a connus, et puis envers qui on pense qu'on a un lien karmique, ou on sent qu'on a un lien karmique. Tu descends dans les annales akashiques, c'est-à-dire que tu te couches, tu te mets à rêver un peu, tu médites, tu fais un petit voyage astral, même si c'est pas trop conscient du point de vue du voyage, mais c'est conscient du point de vue de l'idée. Et puis là, ben là, tu revois un peu ces personnages-là, puis tu le parles. T'as pas besoin de le faire physiquement? Là, c'est préférable, mais c'est pas nécessaire. Là, à qui tu parles à l'astral. Ben l'astral, lentement, va finir par leur communiquer. Faut faire que tu le fasses plus qu'une fois. Autrement dit, il y a quelqu'un avec qui ça a mal marché, là, organisez-vous pour avoir une photo, ben non, pour répéter son nom souvent. Quand vous êtes capable de regarder sa photo, là, puis plus le lire, là, c'est réglé. Quand vous êtes capable de prononcer son nom, là, sans commencer à parler contre, là, ben c'est réglé. Tu sais, je parle d'un tel, là, puis finalement, c'était un bon gars, c'était une bonne fille, tu sais, honnêtement, là, tu sais, j'ai plus rien à dire, c'est vrai. Mais c'est correct, c'est réglé. Là, tu viens de trancher karmiquement, c'est ça, mettre de l'ordre. Puis c'est une vraie, c'est un plaisir magistral de se rendre compte que subitement on commence à avoir les bonnes idées. Ceux des personnes qu'on pourrait avoir connues dans le passé, mais que on n'est pas... Tu en connais beaucoup, toi. Non, pas vraiment, non. Mais qu'on le sait pas, mais on leur a fait quelque chose, mais vraiment sans savoir, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un lien karmique ou pas du tout? Si par accident, parce que tu as passé dans leur vie, ça a tombé mieux. Il y a même plusieurs liens karmiques, mais c'est comment pas... Comment tu fais pour régler ceux-là? Non, c'est pas ça. Le problème, simplement, c'est qu'en réglant tes liens karmiques, tu ramasses ton énergie. Quand tu as suffisamment d'énergie, là, ça monte. Ben, ça monte assez, là, que toutes les cordes de la montgolfière, ils lâchent. Paf, t'es parti pareil. Fait que le peu de liens qui va rester, on coupe les que plus t'es gros pas câbles. Au courant, exactement, tu coupes les gros câbles, les gros amarres, puis à un moment donné, ben, ça va décoller tout seul. L'humain n'a aucune idée, réellement, l'humain, le processus du miracle, c'est ça, l'humain n'a pas l'idée de ce que ça peut donner. Je dis souvent aux personnes qui sont malades, ayez une raison intelligente de guérir, vous allez voir, ça va se faire tout de suite. Pas des raisons émotives, une raison intelligente d'être en santé. Puis ça se fait très rapidement. Et les personnes n'en trouvent pas. Mais dans les raisons, on va souvent prendre une raison émotive qu'on va mentaliser et on va dire ça, c'est intelligent. C'est ça. Mais on est intelligent. C'est intelligent, mais ce n'est pas une raison intelligente pour toi. C'est exactement ça. Comme je dis souvent à des personnes, tu as totalement raison. Ce que tu dis est vrai, mais toi, tu as tort. Oui, ça va loin des conversations avec toi, l'instant. Tu as raison, mais tu as tort. Et c'est ça. Ce que tu dis est vrai, mais tu as tort. C'est ça. Ou encore, ça sert à rien d'avoir raison maintenant. Mais t'es à côté de la traque, c'est ça. Bon, c'est ça. T'as raison, mais ça sert à rien là. C'est pas de ça qu'on parle. La volonté créatrice, c'est quelque chose. En termes de puissance, ça fait quoi la volonté créatrice? Ben, c'est évident que ça retape un corps physique au complet. Or, ça peut être miraculeux, instantané. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans. Mais ça répare tout. Ça orchestre les structures internes de façon à ce que la vie commence à s'associer à ce qu'on a à faire, au confort. La première chose que l'intelligence supramentale assujettie à l'amour instantané amène à un être humain qui se conscientise, c'est le confort. C'est l'expression de l'intelligence dans la vie de l'humain, c'est le confort. Il commence à être confortable psychologiquement. C'est le début. C'est sûr que l'humain qui se dit « Ouais, mais moi j'ai encore des mauvaises chaises », non, t'as pas compris. Ça commence par en dedans, au plus profond du en dedans, là, et puis progressivement, ça va rayonner. Puis à un moment donné, ça va t'amener la faute de fauteuil qu'il te faut. Mais c'est différent de la spiritualité. C'est pas « Moi, je suis confortable psychologiquement, je me sois dans une chaise qui est pas confortable, puis je me dis pas « Ben, je suis confortable quand même. Je me contente de peu. » Pas ça du tout. Mais égoïquement, on est... En tout cas, moi, je suis souvent porté à penser le contraire. C'est-à-dire que, bon, quand je serai assis confortablement, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai le temps... Tu sais, partir dans l'autre sens, puis après ça, dire, bon, ben là, ma tête, elle sera quand même... La majorité des humains pensent comme ça, puis ils travaillent donc sur la chaise, sur le temps, sur le ceci, sur le cela, puis ils n'ont rien. Alors que moi, je travaille sur rien de ça. Hein? Là, on s'en va minimum quatre jours dans le bois. Puis annonce la pluie, puis annonce ça fait 4 cossins, puis il y a du monde qui campe dans des tentes, puis bon. La misère, quoi. Et c'est ça, la misère noire. Ce gars chaloupe t'habiller, puis on dort pas la nuit, bon. Moi, je suis très confortable. Les personnes sont très confortables. Ils ont appris à être confortables. Confortables où? Confortables avec eux autres. T'es assis sur une bûche, à un moment donné, ben là, l'autre, il s'est amené un petit coussin, tu sais, puis là, tu dis, ah merde, avant qu'il amène son coussin, j'étais confortable. Maintenant qu'il y a le coussin, je suis plus confortable. Là, il s'en va chercher une pomme, quand il revient, le coussin est rendu dans toutes les faisins, non. Il faut qu'il dise, hey, écoute mon coussin, ah, pas de poil un peu. Fait que c'est bon. Mais les gens apprennent rapidement à être confortables dans le bois. Pourquoi? Parce qu'ils sont confortables avec eux autres. À un moment donné, il pleut, tu rentres dans ta tente, c'est plein d'eau, c'est ceci, c'est cela. Si t'es confortable avec toi-même, tu vas aller quémander à la tente d'un autre. T'sais, ou au gros dôme, ou quelque chose comme ça. L'humain doit être confortable avec lui-même. Et là, ce qui va arriver, ben, on a fait une réunion d'affaires à un moment donné, c'est une des très, très, très, très puissantes réunions d'affaires. On a décidé de marcher, jusqu'à un lac. C'est un lac très connu au Québec, ça s'appelle le lac Écho. Hein? Partout où vous allez, il y en a un, c'est pas même compliqué. Alors, on s'est rendu jusqu'au lac Écho, puis on était à peu près à 100 quelques pieds en haut du lac, puis là, on s'est assis, c'est la nuit, on a allumé un feu, puis on s'est mis une grosse gang pour qu'on commence à jaser. Rien de plus inconfortable. Une grosse marche, puis on savait tous égoïquement que quand on aurait fini le petit paradis bonheur, là, on avait 1h30 à marcher dans le noir, ça rend la cabane, et franchement, c'est pas un cadeau. Des branches, des cossins, c'est la boussole, c'est pas grand chose. Et tout le monde est subitement devenu suffisamment confortable pour que là, l'énergie créatrice a commencé à transpirer. Les idées qui sont apparues, mais des idées applicables là, l'énergie des individus, on a affairisé un peu, c'est-à-dire que tu descends des énergies d'affaires, mais pas dans le but de faire des affaires, dans le but simplement de structurer mentalement des choses chez toi. Et puis progressivement, les personnes étaient toutes dynamisées. Puis il n'y a pas eu de discours dynamique. La volonté créatrice est exprimée là. Là, la gang est revenue, puis là, il y a des gens qui ont commencé à bouger sans qu'il s'est passé des choses. C'est un début. Il faut entretenir ce genre de choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit en gang pour faire ça sur le bord d'un lac éco au Québec. Et ce qu'il faut simplement, c'est que l'humain comprenne que ça commence par l'intérieur. Alors moi, quand j'ai commencé à être confortable directement à l'intérieur de moi, nécessairement, ben, progressivement, je me suis rendu compte que j'étais confortable partout où j'allais. Bon, sur une pierre, assis sur une roche, assis sur un morceau de bois, assis dans un fauteuil, super de cuir, super de luxe, un lazy boy ou un crazy boy, en tout cas, un amanchure, là, bon. Et je suis confortable dans tout ça au complet. Sauf qu'à un moment donné, ce que je me dis, c'est que pour exprimer plus facilement ma créativité, ce qu'il me faut, c'est tel genre de chaise. C'est ça qu'il me faut. C'est pas un désir astral, ça devient une logique. Ouais, mais Daniel, ça n'a pas de sens, il vaut 2 800 $. Non, ça, l'argent va rentrer, c'est ça qu'il me faut, il n'y a aucun problème. Puis à un moment donné, ben, l'argent rentre, tu vas chercher ton fauteuil, tu le mets dans ton salon. La personne toi, qui a moi, fait... il me semble que ça devrait commencer comme ça. Bon, c'est ça. C'est à cause que l'ego veut se nourrir. Hein, l'ego veut se nourrir comme ça. Ça commence pas parce que c'est vrai que c'est intelligent, dans certains cas, d'avoir ce fauteuil-là, ou de cette voiture-là, ou cette maison-là, oui, mais ou cette santé-là. Oui, mais si t'es pas satisfaisable, éternel insatisfait, ben ça sert à quoi? L'intelligence est intelligente. Elle te donnera pas des bebelles pour que tu continues toujours à demander, pas en demander, pas en demander, pas en demander, puis être jamais content. Elle fait pas. C'est un gaspillage d'énergie. Il y a des gardiens de la finance, il y a des gardiens de la matière, il y a des gardiens du temps. Ils vont garder leurs affaires pour eux autres. Commencer par être confortable chez soi, ben, ça revient à mettre de l'ordre encore dans sa vie. Quand j'y mets de l'ordre dans sa vie, tu places tes cossins. Tu fais ton armoire avec tes verres, là, tu mets tel verre là, tel verre là, tel verre là. Tu décides de faire ça comme ça à un moment donné parce que c'est correct. Puis là, 2 jours après, tu sors les verres de ta laveuse, et puis là, vling, vling, schling, fling, ça rentre comme ça peut. Tu te fais encore ramasser. C'est une discipline. L'humain doit être un disciple de sa propre intelligence, il doit être discipliné. Une chose à la fois, c'est pas grave de faire plein de cossins. Hey, vous écrivez un mot, là! Je m'en vais, parti pour pas longtemps, là, vous collez ça après la porte, là, puis le crayon, il va où, le crayon? Le crayon devrait s'en aller là où on l'a pris, puis il devrait partir de là où il devait être. Tu sais, on n'a jamais le temps. De toute façon, ça balance du temps. Vous allez arriver un crayon en retard à votre rendez-vous. Mais c'est pas grave. Ça s'explique bien. Pour passer une entrevue, tu dis, ben, fallait que je serre mon crayon. Ben oui, c'est ça. J'ai un crayon serré, puis... C'est ça. Ben... C'est la tondeuse. Ben écoute, si t'es patron, toi, là, puis l'autre, c'est à cause de ça que t'arrives en retard, je pense que peut-être c'est un bon employé. Les patrons vont pas tous le comprendre, mais c'est pas pour le dire. Ces patrons-là, tu veux pas travailler pour eux autres? Ceux qui comprennent pas. L'humain est complexe, sa vie. La volonté créatrice, ça va t'amener là où tu dois aller. Y a aucun problème, là. Je suis en retard, il y a un patron qui va dire exact, parfait, moi je vais avoir un gars qui est en retard, comme ça je vais pouvoir me donner, tu sais, tu fais mon chauffeur. Je vais arriver en retard, ben. Ça va devenir ma raison. C'est ça? D'être en retard. Oui, mon chauffeur n'était pas là. La volonté créatrice, donc ça commence, il faut qu'on me soit bien confortable, et progressivement, l'intelligence avec la volonté créatrice va confortabiliser tout l'extérieur au complet. Je connais des personnes qui ont vécu la mécanique, qui la vivent progressivement. Sauf que, c'est comme je vous dis encore une fois, c'est pas une affaire qui arrive, paf, bing bang, ça tombe pas en parachute à un moment donné. Là, c'est pas le, c'est, ils vous prennent pas pour des petits pauvres, puis ils vont vous larguer des containers de fauteuils en cuir, puis de nourriture, puis tout ça. Là. L'humain va progressivement se diriger vers... Une personne qui, dès aujourd'hui, commence à décider qu'elle change des choses, donc elle va exprimer de la volonté créatrice. Tu sais, vous rentrez chez vous ce soir, là, ou demain matin, à ce soir, vous allez être fatigué, vous allez être peut-être un petit peu astralisé. Demain matin, là, vous vous levez, là, puis là, regardez votre demeure, regardez votre garde-robe, regardez votre bordel, pour plusieurs, c'est pas pour tout le monde, il y en a qui la maison, ça va. Ceux pour qui la maison, ça va, est-ce que c'est un excès d'ordre, ou bien est-ce que c'est un ordre mental, ou simplement un ordre par habitude, c'est une phobie, un problème? Une espèce de... fait du ménage compilatif, là, c'est, on peut pas s'empêcher de le mettre comme ça, il y a une craque là, la craque avant en arrière, c'est, ben, c'est autre chose, là. C'est pas ça que je veux dire, moi. Mais dans certains cas, l'abus dans l'autre sens. Ben oui, c'est ça, je dis. Tu pars plus de temps. C'est toujours la même chose, il faut pas que l'humain apprenne ce que je dis, il faut que l'humain comprenne ce que je dis, comme ça, il est capable de s'ajuster n'importe où. À un moment donné, le feu, il est pris, tu sais, tu places pas ton crayon, moi, je sors, et mets ton crayon à toi, tu sais. C'est bien, bien simple. T'sais, la personne décide qu'elle place son extincteur dans le fond de son garde-robe, une belle place, c'est incorrect. T'sais, une boîte en carton, puis la boîte scellée toute parce qu'elle veut pas. T'sais, elle veut pas le saler. Quand le feu va prendre, il y a une logistique que l'humain doit développer. L'humain doit comprendre les choses. L'humain doit pas apprendre. Si l'humain apprend, l'humain il va nécessairement payer le prix de l'apprentissage. On ne doit jamais rien apprendre. C'est très dangereux d'apprendre. Moi, j'ai appris le chemin par cœur. Parfait, il y a un embouteillage. Qu'est-ce que tu fais? Ben, attends, puis chiole. Il faut que tu comprennes le principe. Là. Les rues qui vont par là vont toutes par là. Fait que tu peux en prendre une de même, tu vas en ramasser une par là-bas, tu vas venir. C'est... Comprendre le principe. Alors, quand l'humain comprend, ça va bien. Alors, l'ordre, le confort, c'est très important. La personne doit commencer par confortabiliser. C'est l'atterrissage de la créativité et c'est extrêmement puissant progressivement. On doit premièrement s'arranger, évidemment, pour être confortable physiquement. C'est la première chose. Ça veut dire qu'on se lave de temps en temps. Bon. Hein? Et puis, on fait du sport. Alors, les personnes, ils font pas de sport. Les gens, ils font pas de sport parce qu'ils sont pas en forme pour faire du sport. C'est pas sûr. Mais justement, on fait du sport pour se mettre en forme. Alors, on doit avoir un corps physique assez confortable. On doit le travailler un peu. Je dis souvent que si on vous oblige à une nouvelle technique particulière qui va vous demander 3 heures par jour, c'est de manger. Et vous devez ouvrir la bouche et faire... Bon, t'as pas su ramasser un cossin. Puis en plus, je compte pas le temps que ça prend à mélanger les maudites babelles, tu sais, puis les faire cuire pas trop, puis juste assez, puis après se laver les casseroles, puis laver, tu sais, bon. L'humain va dire, écoute, pas question. Mais les techniques pour se remettre en santé, là, c'est 45 minutes par jour, pas plus. Alors, on prend 8 heures à 12 heures de technique pour dormir. Imaginez, on le fait. On prend des heures et des heures juste pour manger, laver, puis entretenir par commencer, pas lâcher la bouffe, faire venir. Bon, on le fait, ça. On le fait. Puis ça, c'est des techniques essentielles pour la vie planétaire. Bon, 45 minutes d'exercice par jour, c'est pas mer à boire. On n'a pas le temps. On a le temps. De toute façon, si vous le faites, vous allez avoir le temps. Ça va vous donner 15, 20 ans de plus à vivre. Mm-hmm. Comme ça, vous allez avoir le temps, à un moment donné, tu sais. Bon. C'est vrai que la plupart des choses, on n'a pas le temps jusqu'au moment où on le fait. Quand on le fait, on dirait que le temps se multiplie ou apparaît. Ça fait partie de mettre de l'ordre. J'ai pas le temps, faites-le. Puis à un moment donné, le temps va finir par s'étirer là, puis on va inclure cela dans votre affaire. Les personnes, je connais plusieurs hommes d'affaires, des femmes d'affaires, à un moment donné, il y en a là-dedans qui ont eu des crises de cœur, des angines, ils ont eu des attaques. Et puis, maintenant qu'ils ont eu leur attaque, ils sont ramassés à l'Institut de cardiologie, et puis là, on les organise un petit peu. Puis à un moment donné, ils repartent chez eux. Ils font le même travail. Mais là, ils ont le temps. Là, ils ont le temps. Là, ils ont le temps de faire du sport. Ils font un petit peu de sport par là. Ils ont le temps de faire ceci. Ils ont le temps de faire, ils ont le temps de faire attention. Ils ont le temps maintenant. Ils avaient toujours eu le temps. Mais ils n'ont jamais pris le temps. La personne doit s'arranger pour rendre son corps confortable. Et après ça, on choisit une pièce dans la maison. Notre pièce. Ça peut être notre chambre. Ça peut être la chambre de bain. Ça peut être le salon. Ça peut être le sous-sol. Ça peut être même une pièce. Et puis, on décide que cette pièce-là, on doit s'en. Ça doit être l'expression la plus parfaite de ce que nous sommes. Fait qu'on la repeinture s'il le faut. On achète là notre fauteuil confortable. On, ou nos bébelles. Mais j'ai pas d'argent, je l'achète pas. Mais je dois m'arranger pour me mettre un petit tapis japonais. T'sais, une pièce où quand je rentre dedans, là, je me sens bien. Bon, c'est des fois de l'ordre. Et puis après ça, progressivement, on organise. Puis ce qui va arriver, à un moment donné, vous allez subitement avoir de l'avancement dans votre travail. Vous allez subitement avoir une idée géniale qui va vous permettre d'avoir du temps. Vous allez subitement... Demandez-moi pas comment, mais pourquoi, vous le savez pas, puis je le sais pas non plus. Mais je sais très bien qu'à un moment donné, là, subitement, ça y est, hey, c'est fini, j'aurais dû passer avant. T'aurais rien fait avec ça avant. Ça voulait pas à peine d'user une si bonne idée. Ça a tout passé. On fait une petite pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez. On les répond. Tantôt.